C'était des préoccupations que le comité de vigilance avait, entre autres la garantie financière qui n'était pas assez élevée pour la relocalisation. Les points qu'on avait soulevés semblent avoir été entendus par les commissaires. Maintenant, est-ce que le gouvernement va faire avec? Ça, c'est une autre affaire.